Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Veillées de prière, concerts, dédicaces, promotion de livres et œuvres sociales. Shalom, amis auditeurs de la radio Fréquence Vie. Alors, voilà, nous sommes à la deuxième tranche des infoservices. Je suis Jemuel Couillot, la mise en onde est assurée par Emmanuel Yao. Alors, nous, on va partir déjà avec la mission Ephrata et Francophonie pour Christ, qui organise l'école des prophètes Bilamon, 3e édition. Pour en parler, nous sommes avec le pasteur Jean de Dieu Kofi. Bonjour, pasteur. Oui, shalom, Miss Kuyo. Voilà. Et shalom à nos fidèles auditeurs de la radio de la vie. Alors, pour le rappel, pour ceux qui ne connaissent pas l'école Bilamon, c'est la délocalisation de l'école internationale des prophètes qui est organisée chaque année à Santa Rosa, en Californie, par le ministère Christian International dirigé par le prophète-major Bilamon. Depuis plus de 50 ans maintenant, le Seigneur a demandé à son serviteur de lever une compagnie de prophètes et d'apôtres pour la fin des temps. Le thème de ce moment, c'est activer les dons du ministère. Oui, la 3e édition de Bilamon, c'est activer les dons du ministère. La Bible dit, celui qui prophétise, il parle aux hommes, il les exhorte, il les console, il les édifie. Et on a besoin aujourd'hui plus que jamais d'être exhorté, consolé et édifié. Il y a beaucoup d'hérésies. Il faut vraiment que le Seigneur nous impacte, nous inspire, nous redynamise afin d'exercer pleinement ce ministère. D'accord, nous allons parler ensuite de la situation géographique. Oui, la date d'abord, c'est nous sommes dans la dernière droite ligne, donc dans 2 jours exactement, le jeudi 30, vendredi 31 janvier et samedi 1er février, les matins, les sessions de matin, c'est de 9h à 13h, donc c'est des sessions pratique où les hommes de Dieu, les prophètes, les orateurs, nous avons le prophète Jimmy Kellett qui est le directeur de la formation à Santa Rosa et le prophète Victor Hill, tous deux qui viennent des États-Unis et l'apôtre Zacharie Adetola qui est lui-même prophète évangéliste, voilà, qui est hot, qui organise, voilà, ils seront là pour impacter, communiquer ces charismes-là afin que le peuple de Dieu soit à même de pratiquer les dons spirituels. Voilà, les après-midi, dans la soirée, nous avons les plénières de 18h à 21h. Et puis, c'est à la mission Ephrata, bien sûr, dans la salle Tabernacle Espoir. Voilà, une salle de 2000 places, voilà, qui peut accueillir tout le monde. D'accord, vraiment c'est un programme très intéressant. On va laisser les contacts. Oui, les contacts, veuillez appeler le 85 33 99 88, pour tous ceux qui connaissent la mission Ephrata, rendez-vous pour les inscriptions. Voilà. Il faut dire que c'est juste payer un kit, le kit d'inscription qui est à 10 000 francs. Non, l'école est gratuite. Juste ça. Oui, juste ça. L'école est gratuite. Sur 3 jours, c'est un condensé de l'école qui se fait en Santa Rosa. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, pasteur. Je t'en prie. Le Seigneur vous bénisse. Sois béni. Voilà, auditeur de la radio Fréquence Vie, nous nous tournons à présent vers l'évangéliste Kwame Timothée. Bonjour. Bonjour, princesse de l'Éternel. Bonjour, Yao. Voilà, on va encore parler de ce grand programme qui réunit tout le corps de Christ tous les mardis. Voilà, il s'agit de la cellule de l'exaucement, la chambre haute. Oui, c'est aujourd'hui, ce mardi, de 11h à 14h, à l'amphithéâtre de la Cité Rouge de Cocody. Ce grand programme de prière, nous sommes au premier mois et cela nous motive plus à prier. Et aujourd'hui, nous avons un thème important, le rachat des premiers-nés ou briser la malédiction liée ou rattaché au premier-né. La Bible dit, les premiers seront les derniers. C'est un passage biblique, les gens lisent comme ça. Mais pourquoi? Entre Ismaël et Isaac, Ismaël est l'aîné. Mais c'est Dieu a pris Isaac. Et vous allez voir que entre Ésaü et Jacob, Ésaü est l'aîné, c'est Jacob qui devient Israël. Mais vous allez voir que dans l'histoire du parlant du premier ou des prémices ou du premier mois, dans Esther chapitre 3, verset 7 à 10, la Bible déclare qu'au premier mois, Aman est allé consulter. Ils sont allés jeter la corie et ils ont vu que dans l'année, on dit pour chaque jour et pour chaque mois, Esther 3, verset 7 à 10, il a vu tout ce qui devait arriver. Donc, au premier mois, Aman est allé consulter. Pour dire quoi? Qu'en chaque début d'année, autant que nous prions, il y a des gens aussi dans les loges mystiques qui ont pour objectif de pouvoir détecter ce qui va arriver. C'est pourquoi vous allez voir dans Matthieu 2, quand Jésus est né, les rois mages sont venus, ils ont dit quoi? Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile briller depuis l'Orient. Les mages ne sont pas des chrétiens. Nous allons prier aujourd'hui pour dire, Seigneur, partout des gens envoient mes vêtements, partout ils envoient ma photo, que ce soit dans une rivière sacrée, une forêt sacrée, toute consultation en mon nom, dans le but de voir Aman a dit quoi au roi? Il dit, nous avons vu cela. Donc, il n'est pas dans l'intérêt, il n'est pas dans l'intérêt du roi de laisser ce peuple-là prospérer. Détruisons-les. Parce que quoi? Il a consulté. Nous allons prier aujourd'hui pour détruire le pouvoir de toutes les personnes qui vont aller jeter les poux, entre parenthèses, jeter la corie ou consulter un devin pour voir notre avenir afin de détruire. Parce que quand les gens consultent, ils savent ce que tu vas devenir dans l'année. Et ensuite, la Bible déclare que dans Genèse 12, verset 2, la Bible dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Donc c'est un premier mois de l'année que Israël a été libéré. Mais pour que Israël soit libéré, Dieu a dit à Moïse, il dit dans Exode 12, 29, il dit, je passerai et je frapperai le premier né. Donc le deuxième point de prière de la cellule d'aujourd'hui qui aura lieu à l'amphithéâtre de la cité rouge de Cocody, en face des bureaux de la sous-décide de la CIE, est briser la malédiction des premiers nés. Nous allons prier. Comment devenir la tête? Comment être le premier? Quel que soit le rang que tu occupes, Joseph était le 11e, mais il a eu la prééminence. Donc nous voulons inviter le peuple de Dieu, tous ceux qui sont premiers-nés de leur famille, tu es premier-né de ton père ou de ta mère, tu es la bienvenue dans à ce programme. Et même si vos fils ne sont pas là, venez en leur nom, nous allons prier. L'entrée est gratuite. L'orateur, c'est l'évangéliste Kwame Timothée. Le thème en ce premier mois, l'Éternel me rachètera de la malédiction liée au premier-né. Mmh, voilà, d'accord. Donc c'est à l'amphithéâtre de la Cité Rouge, c'est pas caché, c'est après le feu de la ETI, vous allez voir le bureau de la sous-décide de la CIE, en face, la cité est là, demandez l'amphithéâtre, on va prier 11h pour annuler toute programmation d'envoûtement mystique contre toi, Esther 3, verset 7 à 10, et puis proclamer le rachat des malédictions liées aux premiers fils et aux premières filles, selon la Bible. D'accord, évangéliste, on va laisser les contacts. 57 43 88 86 ou le 08 64 94 48 08 64 94 48. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.